Vanité de vanité, tout est vanité. Je vous le dis en vérité, rien de nouveau sous le soleil. Vanité de vanité, tout est vanité. Je vous le dis en vérité, rien de nouveau sous le soleil. Vanité de vanité, je ne te dois rien, tu ne me dois rien. Continue seul ton chemin, j'irai seul sur le mien. Je ne te dois rien, tu ne me dois rien. Continue seul ton chemin, j'irai seul sur le mien. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Qui vivra fera. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Que sera, sera. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Qui vivra verra. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Que sera, sera. Celui qui creuse une fosse, il tombera. La méchanceté ne saurait sauver. De Dieu, et par humilité, il l'appela homme.